Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Certes, le fait de suivre la vérité, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, est une chose à laquelle on a été commandé. Islahul Ummah, réformation de la communauté. C'est donc là une véritable épreuve venant de la part d'Allah azza wa jalla. Pour cette humanité, en les exposant à suivre la vérité ou à s'y opposer et s'en éloigner pour suivre les désirs. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Le fait de suivre la vérité est obligatoire. Il en est ainsi. Le suivi du livre d'Allah et de la tradition prophétique de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahullahu ta'ala. Donc, le suivi du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est la vérité et le juste milieu. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Et suivez avec excellence ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur avant que ne vienne soudainement à vous le châtiment. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Dans quel état seras-tu donc si le châtiment venait à toi précipitamment à cause de ton opposition au suivi de la vérité? Sermon numéro 27. Al-Ibtila ou Fittiba' al-Haqq. La mise à l'épreuve à travers le suivi de la vérité. Donc qui sera en mesure de faire quoi que ce soit pour toi vis-à-vis d'Allah si tu abandonnais le suivi de la vérité? Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en état de soumission complète. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Nous vous éprouverons assurément jusqu'à distinguer ceux d'entre vous qui luttent dans le sentier d'Allah et patientent avec endurance, et nous dévoilerons ce que vous divulguez. Et il a également dit Azza wa Jalla: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi d'épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? La misère et la maladie les avaient jadis touchés, et ils furent secoués durement jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui s'écrièrent: « Quand le secours d'Allah viendra-t-il ? Le secours d'Allah est assurément proche. » Et il a aussi dit « Azza wa Jalla, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Est-ce que les gens pensent qu'on les délaissera dire « Nous croyons sans les éprouver ? Nous avons certainement éprouvé ceux qui vécurent avant eux, afin qu'Allah distingue les véridiques des menteurs. » Ainsi, d'après ces preuves, tu constates qu'Allah a créé ses serviteurs, les êtres humains, dans le but de l'adorer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Exalté soit celui qui détient dans sa main la royauté, et il est capable de toute chose. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Allah a donc créé les hommes afin de distinguer le fauteur de troubles du pieux. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih wa law sha'a Allahu la'anatakum inna Allaha 'azizun hakim. Et Allah connaît et distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait tous anéantis et accablés de malheur. Certes, Allah est puissant et sage. Allah a ainsi créé l'humanité tout entière pour cette grandiose et noble sagesse, à savoir la mise à l'épreuve. Et certes, la plus grande des épreuves à travers laquelle Allah éprouve ses serviteurs est le suivi du livre d'Allah, le Coran, et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'Allah fit la différence entre les gens en fonction de leur suivi ou non de ces deux éléments. Il a ainsi dit tabaraka wa ta'ala: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah est semblable à celui qui encourt la colère d'Allah et dont le refuge sera l'enfer? Et quelle mauvaise destination! Les gens ont des différents degrés auprès d'Allah et Allah observe parfaitement ce qu'ils font. Et Allah Azza wa Jalla a dit: "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kayfa tahkumun?" Traiterons-nous les gens qui se soumettent à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: "Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard? Am naj'alu almuttaqina kal fujjar?" Allons-nous considérer ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres comme ceux qui sèment le désordre sur terre, ou bien traiterons-nous les pieux comme les pervers? Et Allah azza wa jalla fit ainsi la distinction entre celui qui suit la vérité et celui qui s'en détourne. Et c'est en fonction du suivi du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah élève les gens, de même que c'est en fonction de leur éloignement de ces deux éléments qu'Allah azza wa jalla les rabaisse et les humilie. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله دي آدم حواء آدم وإيف: descendez d'ici tous les deux, c'est-à-dire du paradis. Vous y serez tous avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis s'il a guidé, vous parviendra de ma part. Sachez alors que quiconque suivra ma guidée ne s'égarera point, ni ne sera malheureux. En revanche, quiconque se détournera de mon rappel mènera certainement une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous le ressusciterons aveugle. Ce dernier dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira alors: nos signes et nos versets t'étaient certes venus, mais tu les avais oubliés. Ainsi, c'est toi aujourd'hui qui es délaissé. C'est donc là une véritable épreuve venant de la part d'Allah Azza wa Jalla pour cette humanité, en les exposant à suivre la vérité ou à s'y opposer et s'en éloigner pour suivre les désirs. Car les gens sont en fait entre deux situations: soit ils suivent la vérité et la guider, ou soit ils suivent le faux et leur passion. Allah Azza wa Jalla a dit: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. As-tu vu celui qui prend ses passions comme divinité, puis qu'Allah égare sciemment et dont il a scellé l'ouïe et le cœur et étendu sur sa vue un voile? Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et il a dit Azza wa Jalla: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Mais s'ils ne répondent pas à ton appel, sache alors qu'ils ne suivent que leur passion. Et qui donc est plus égaré que celui qui suit ses désirs sans la moindre guidée venant d'Allah? Allah ne guide assurément pas les gens injustes. Allah tabarak ismuhu ainsi dit: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ. Mais s'il ne répond pas à ton appel, ces gens n'ont ainsi d'autre issue que le suivi de leur passion, la perdition et l'égarement. Il s'agit donc là d'une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins pour les gens, tout comme sera le messager pour vous. Et nous n'avions établi la qibla vers laquelle tu te tournes pendant la prière que dans le but de distinguer celui qui suit le messager de celui qui retourne sur ses pas, ô toi Muhammad. Et c'était là un difficile changement, sauf pour ceux qu'Allah avait guidés. Et Allah ne vous fera pas perdre votre récompense. Allah est certes compatissant et miséricordieux envers les gens. Allah avait ainsi éprouvé les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim jami'a, en établissant la qibla, l'orientation de la prière, en direction d'El Bayt el-Maqdis, la maison sacrée à Jérusalem, pendant 16 mois, puis en la changeant en direction d'El Bayt el-Haram, la Ka'b à Mecca, la Mecque. C'est alors qu'un homme, en signe de soumission envers Allah, alla à la mosquée de Quba, à Médine, trouver les gens qui étaient en train de prier. Puis il leur dit, certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est orienté vers El Bayt el-Haram, tournez-vous donc vers cette direction. Tout cela par suivi et commandement d'Allah. Serviteur d'Allah, l'ordre concernant le suivi de la vérité est vraiment une affaire très importante, au sujet de laquelle se différencient les prieurs, et se différencient les pèlerins, et se différencient les jeûneurs, et se différencient les savants, ainsi que les étudiants en sciences religieuses, et se différencient les gens de façon générale, tous en fonction de leur suivi apparent et caché de la vérité. Et combien de mémorisateurs du Coran Allah a-t-il avili en raison de leur non-suivi de la vérité, tout en sachant que ces derniers avaient atteint un niveau que beaucoup de gens n'avaient pas atteint, et qu'ils soient devenus des huffaz parmi les mémorisateurs du Coran. Malgré cela, tu constates que ce sont des anadiqa, des apostats, car ils n'ont pas suivi la vérité. En conséquence de quoi, Allah ne leur a pas donné de considération, ni ne leur a fait honneur à travers le suivi de la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. As-tu vu celui qui prend ses passions comme divinité, puis qu'Allah égare sciemment, et dont il a scellé l'ouïe et le cœur, et étendu sur sa vue un voile, qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Allah Azza wa Jalla a dit, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Puis nous t'avons mis sur la voie selon notre ordre, la religion islamique. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Et les injustes sont certainement alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Et Allah ordonna à son messager sallallahu alayhi wa sallam de suivre cette législation pure avec clarté et guidée venant d'Allah. Et il l'informa que s'il venait à la contredire, les gens ne lui seront d'aucune utilité face à lui. Donc qui sera en mesure de faire quoi que ce soit pour toi vis-à-vis d'Allah si tu abandonnais le suivi de la vérité? Et Allah Azza wa Jalla a dit, Ya qawmi lakumul mulku al-yawm dhahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Et l'homme dit, ô mon peuple, vous possédez aujourd'hui la royauté sur la terre, mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si celle-ci nous atteignait? Donc quiconque te portera secours contre le châtiment d'Allah si tu délaisses le suivi de la vérité, serait-ce la grandeur d'une quelconque créature ou la gloire d'un tel ou d'un autre, le fait de suivre la vérité est obligatoire. Il en est ainsi. Le suivi du livre d'Allah et de la tradition prophétique de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le bonheur ou le malheur, de même que dans l'aisance ou la difficulté, dans toutes les situations, Allah azza wa jalla a en فَدِي اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres soi-disant alliés en dehors de lui, mais peu d'entre vous se rappellent. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et suivez le sentier de ceux qui viennent à moi repentant, c'est ensuite vers moi que sera votre retour, je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Toi, ainsi que tous les gens, tous souhaiteraient être aimés de tout le monde, de même que d'être agréés de tout le monde, et aussi d'être estimés et honorés, et que l'on fasse vos éloges. Et avant tout cela, les gens voudraient être bien aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui demandent de gagner son amour. Mais la voie qui mène à l'amour d'Allah azza wa jalla envers son serviteur se gagne en suivant la vérité, en suivant le livre d'Allah et la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ » dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et si Allah t'aime, il te viendra en aide et te portera secours. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kull khawanin kafur. Allah prend la défense de ceux qui croient. Certes Allah n'aime aucun traître ingrat. Et il te guidera vers le chemin de la rectitude et t'accordera la réussite. Allah tabaraka ismuhu a dit Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié et le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a rapporté d'après son Seigneur qui a dit quiconque aura pris pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par le biais d'accomplissement d'actes d'adoration surérogatoire jusqu'à ce que je finisse par l'aimer. Et si je viendrai à l'aimer, je serai alors son ouïe avec laquelle il entend, et sa vue avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il touche, et sa jambe avec laquelle il marche. Et s'il m'invoque, je lui accorderai certainement ce qu'il m'aura demandé, et s'il implore mon secours, je l'assisterai sûrement. Et le récit a été rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Si Allah sait de toi que tu agis sincèrement pour lui dans le fait de suivre ses ordres, il fera alors en sorte que les gens t'aimeront. Allah tabaraka wa ta'ala a ainsi dit Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. À ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera assurément son amour. Il ne t'est ainsi demandé que de suivre et de t'accrocher à la vérité. Tu seras par conséquent, et si Allah le veut, surlaguidé et clairvoyant dans tous tes agissements, et tu seras dans un bien. Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent, et gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Cette voix est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il invite les gens à la religion d'Allah, et ceux qui le suivent invitent à la religion d'Allah. Il appelle les gens avec clairvoyance et preuve évidente, et ceux qui le suivent appellent avec clairvoyance et vérité. Tous ceux qui suivent le messager d'Allah font partie des bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa anna hadha siratin mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en écartent. Voilà ce qu'Allah vous enjoint, peut-être atteindrez-vous la piété. Allah a enjoint, ordonné, décrété et jugé de suivre son chemin. Donc le commandement d'Allah peut-il être contredit? Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا. Qui donc nous préservera du châtiment d'Allah si celui-ci venait à nous atteindre? Et Allah azza wa jalla a dit وَأَنَّ هَذَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en écartent. Voilà ce qu'Allah vous enjoint, peut-être atteindrez-vous la piété. Certes, la meilleure manière de pratiquer la religion est le fait de l'adorer en suivant la vérité. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Qui est meilleur dans la pratique de la religion que celui qui oriente sa face vers Allah et se soumet à lui avec excellence, en conformité avec la religion de la sincérité d'Ibrahim, Abraham. Et Allah avait pris Ibrahim comme ami intime. Existe-t-il, ici ou là, meilleur individu que celui qui suit la religion d'Ibrahim, à laquelle ne refuse de s'y soumettre qu'un insolent stupide? Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et qui donc aura eu de l'aversion pour la religion d'Ibrahim, si ce n'est quelqu'un de sot, alors que nous avons élu ce dernier dans ce bas monde, et il sera certainement dans au-delà du nombre des pieux. Donc, le suivi du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est la vérité et le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils du récit authentique, d'après le hadith d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, que trois personnes se sont présentées à la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le but de l'interroger sur ses adorations. Et c'est comme si ces derniers voyaient les œuvres du messager d'Allah insignifiantes. C'est-à-dire, c'est comme si ils minimisaient ses œuvres. L'un d'eux dit ainsi: en ce qui me concerne, je ne me marierai pas. Et au second de dire: et moi, je ne cesserai pas de jeûner. Puis le troisième dit: quant à moi, je prierai toute la nuit et je ne dormirai pas. Chacun d'entre eux s'était ainsi engagé à accomplir une œuvre qui s'opposait aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah vint ensuite à eux et leur dit: est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Ces derniers répondirent: absolument, au messager d'Allah. Il répondit alors: par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis meilleur que vous en piété. Malgré cela, je jeûne et je mange, je me lève la nuit pour prier et je dors aussi et j'épouse les femmes. Donc quiconque se sera écarté de ma sunna ne sera pas des miens. Donc suis la vérité et le juste milieu entre l'exagération et le laxisme, et ne te fais pas leurrer par l'exagération dans l'accomplissement de bonnes actions, et ne sois pas pris non plus de laxisme et d'engourdissement. La vérité se situe entre les paroles des Qadariyyah et des Jabriyyah, et entre celles des Nawasib et des Rawafid, entre les dires des exagérateurs et ceux des laxistes, toutes étant des sectes s'apparentant à l'islam. La vérité est la justice qui réside dans le suivi du livre d'Allah et de la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Adorateur d'Allah, certes le fait de suivre la vérité, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, est une chose à laquelle on a été commandé. De même que le messager, malgré sa fermeté dans le suivi des ordres divins, Allah l'incita ainsi à poursuivre dans cette direction. Allah tabarak ismuhu a dit: Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna allaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala allah wa kafa billahi wakila. Ou toi le prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Certes, Allah demeure omniscient et sage, et suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Allah est assurément savant et parfaitement connaisseur, et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme protecteur. Donc suis la vérité et remets-toi-en en Allah, car le suivi de la vérité nécessite de la patience et de s'en remettre à Allah et de placer sa confiance en lui. Et celui qui se conforme à la vérité sera inéluctablement éprouvé et lésé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes été lésé, et nul ne vient avec ce avec quoi il est venu sans qu'il ne subisse de préjudice et qu'il ne soit victime d'animosité. Et il n'y a aucun doute que le suivi de la vérité est un chemin qui, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, le paradis a été ceinturé de choses détestables, tandis que l'enfer a été ceinturé de désirs passionnels. Allah azza wa jalla a dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Dit: ô mes serviteurs qui avez excédé à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous atteigne le châtiment et que vous ne serez à cet instant point secouru. Et suivez avec excellence ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur avant que ne vienne soudainement à vous le châtiment sans que vous ne le pressentiez. Dans quel état seras-tu donc si le châtiment venait à toi précipitamment à cause de ton opposition au suivi de la vérité? Après cela, tu te mordras à coup sûr les doigts en signe de regret. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit: Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani. Et le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, celui-ci m'a en effet égaré et éloigné du rappel lorsqu'il m'était parvenu, et Shaytan, le diable, abandonne sûrement l'être humain après l'avoir tenté. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Amma ba'd. Ceci étant dit, l'imam al-Bukhari a certes rapporté dans son recueil de récits authentiques, dans le récit de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: nous sommes, moi et vous, tel un homme qui a construit une maison et qui posa à l'intérieur de cette maison un repas d'invités, puis qui envoya quelqu'un chercher des invités. Ainsi, quiconque aura répondu à l'invitation entrera dans la maison et mangera de ce repas. Et quiconque n'y répondra pas ne rentrera pas dans la maison ni ne mangera de ce repas. Ainsi, l'homme qui alla chercher les invités est le messager d'Allah. Et quant à la maison, il s'agit du paradis. Et le repas d'invités représente tout ce qu'il y a au paradis comme bonne chose. Et il a été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voyez-vous, si je me présentais à vous avec une nouvelle, me croirez-vous donc? Les compagnons dirent: nous n'avons jamais entendu de toi de mensonge. Il dit alors: eh bien sachez que j'ai été envoyé pour vous comme avertisseur d'un terrible châtiment qui viendra après moi. Et je suis tel l'avertisseur dévêtu qui informe les troupes de l'arrivée de l'ennemi, ordonnant les siens de rebrousser chemin. Il dit ensuite: une partie des gens obéirent ainsi à l'avertisseur et partirent durant la nuit en prenant leur temps, tandis que les autres furent pris par surprise à l'aube par l'ennemi qui les extermina. Et l'avertisseur dévêtu, chez les Arabes, est celui qui part guetter l'éventuelle approche de l'ennemi, sans aucun objet à utiliser pour faire signe aux gens de sa venue, si ce n'est son izar ou son qamis. Ainsi, si l'ennemi venait à s'approcher, il n'aurait d'autre solution que d'ôter son vêtement et de le remuer jusqu'à ce que les gens soient informés de l'approche de l'ennemi, pour soit fuir ou soit préparer à leur faire face pour les repousser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire donc: je suis tel l'avertisseur dévêtu. Il fut ainsi envoyé, avant la venue d'un terrible châtiment, en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Et il a authentiquement été établi, d'après Ibn Abi Asim, dans le récit de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et le récit a aussi été rapporté de Jabir radiallahu anhu et d'autres que Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu a un jour vu un écrit dans les mains d'un homme parmi les gens du livre. Il partit ensuite vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: voudrais-tu écouter une belle parole provenant des gens du livre? C'est-à-dire que cette parole était plaisante en apparence seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répliqua alors: serais-tu devenu perplexe, Ibn al-Khattab? Je suis certes venu avec vous avec la guidée blanche et pure, et si Moussa, Moïse, était vivant, il n'aurait d'autre solution que de me suivre. C'est-à-dire, l'affaire serait-elle devenue confuse pour vous? Et il a été rapporté, d'après le hadith d'Abu Darda radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un jour venu auprès des compagnons qui parlent de certaines choses de la dunya, de la vie présente, qui leur faisaient peur et qu'ils craignaient pour eux qu'elles ne les atteignent, comme la pauvreté par exemple. Il dit alors: est-ce la pauvreté que vous craignez? Je jure par Allah que la dunya se déversera sur vous abondamment jusqu'à ce que nul d'entre vous ne s'égare si ce n'est à cause d'elle. Par Allah, je vous ai laissé sur la voie blanche, claire, de nuit comme de jour, nul ne s'en écartera, excepté quelqu'un qui court à sa perte. C'est-à-dire, excepté quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla aura décrété sa ruine. Et dans le récit d'Ibn Omar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à toute action est associé un préjudice. Et tout préjudice a un relâchement. Donc quiconque sera sur ma sunna lors de ce relâchement sera sauvé. Et quiconque sera sur autre chose courra à sa perte. Donc la perdition est la conséquence du relâchement quant au suivi de la vérité, que cela soit relatif à une exagération ou un laxisme, et la parole « et quiconque sera sur autre chose » a pour sens sur autre chose que la sunna et la vérité. C'est ainsi que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'a rapporté l'imam muslim, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, « quiconque appelle à une guidée et l'accomplissement d'une bonne œuvre aura une récompense équivalente à celle de l'ensemble des gens qui l'auront suivi et accompli, sans que ne soit diminuée la récompense de ces derniers. Et quiconque appelle à un égarement et l'accomplissement d'un mal aura autant de péchés que ceux de tous les gens qui l'auront suivi et commis, sans que ne soit diminué le nombre de péchés de ces derniers. » Donc crains Allah, ô toi qui appelles les gens à l'égarement, car tu porteras le fardeau de tous ces gens intégralement le jour du jugement dernier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun, afin qu'ils portent au jour de la résurrection tous les péchés qu'ils auront commis de leurs propres mains, ainsi qu'une partie des péchés de ceux qu'ils auront égarés sans science. Et combien est mauvais ce qu'ils porteront comme fardeau. والحمد لله رب العالمين.